Je veux lire en 3 jours. Je veux lire en 3 jours l'Iliade d'Homère. Et pour ce, Coridon, ferme bien l'œil sur moi. Si rien me vient troubler, je t'assure ma foi, tu sentiras combien pesante est ma colère. Je ne veux seulement que notre chambrière vienne faire mon lit, ton compagnon, ni toi. Je veux 3 jours entiers demeurer à Rocroi pour folâtrer après une semaine entière. Mais si quelqu'un venait de la part de Cassandre, ouvre-lui tôt la porte et ne la fais attendre. Soudain, entre en ma chambre et me viens accoutrer. Je veux tant seulement à lui seul me montrer. Au reste, si un dieu voulait pour moi descendre du ciel, ferme la porte et ne le laisse entrer.